franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur le plus grand combat de l'histoire de la boxe, l'affrontement entre Mohamed Ali et George Foreman le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre. Cette nuit-là, en Afrique centrale, deux des plus grands boxeurs de tous les temps, deux immenses champions de la catégorie des poids lourds, tout droit venus d'Amérique, se rencontrent. D'un côté, George Foreman, flamboyant et incontestable champion du monde, formidable machine à mettre KO et incroyable machine à cash, dont la force des poings, dit-on, déformerait les sacs de sable. De l'autre, son challenger, ancienne gloire de la discipline, qui tente là son retour, l'inépuisable Mohamed Ali, l'homme d'esprit, grand stratège à la rapidité d'exécution légendaire. Pendant 25 minutes, ces deux colosses vont se livrer le plus illustre combat que le noble art ait connu. À défaut de pouvoir s'appeler le match du siècle, il restera jamais marqué dans l'histoire de la boxe sous le nom de Rumble in the Jungle, le combat dans la jungle. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Jean-Philippe Lustig, producteur et réalisateur de nombreux documentaires consacrés au sport. Il est aussi l'un des plus grands spécialistes de la boxe, discipline qu'il commente sur l'équipe 21 et MCS, et à laquelle il a déjà consacré 4 livres, dont le dernier, Bienvenue chez les Jacobs, est sorti en mars dernier aux éditions du Moment, c'est le cas de le dire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, traduction Eric Oswald, à la technique aujourd'hui Florent Layani. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Octobre 1974, à Kinshasa, la jeune et tumultueuse capitale de l'État du Zaïre, en plein cœur de l'Afrique noire, règne une intense agitation. Sur les rives du fleuve Congo, comme chaque jour, des milliers de petites embarcations accostent, débarquant personnes et marchandises. À l'approche de la saison des pluies, le climat est d'une humidité extrême. Une chaleur qui rend difficile le travail d'un petit groupe de journalistes qui tournent ici des images de ce spectacle exotique. Parmi eux, on distingue au son des accents des reporters américains, des britanniques, des français ou encore des allemands. Dans ce pays grand comme 4 fois la France, chahuté par des troubles ethniques, la présence de ces reporters inquiète les Kinois et les Kinoises. Que se passe-t-il donc ici dans les campagnes zaïroises? Le pays serait-il de nouveau frappé par le spectre de la guerre civile? Non. Non, la raison qui pousse tous ces journalistes à faire le déplacement est un événement sportif exceptionnel. Quelques centaines de mètres de là, sur l'une des principales avenues de la ville, une Citroën DS passe au ralenti, escortée par plusieurs autres voitures. À sa fenêtre, on aperçoit une épaisse main noire qui salue la foule. Derrière, des enfants courent et crient en chœur « Ali Boumaïe, Ali Boumaïe ». Puis le cortège prend la direction du stade du 20 mai, dans le nord de la ville, la plus grande enceinte sportive du pays qui accueille d'ordinaire les compétitions de football. Mais qui est donc cet étonnant personnage? Et surtout, pourquoi un tel engouement lors de son passage? La réponse se trouve à quelques mètres de là, sur le mur d'une maison où est placardée, comme un peu partout en ville d'ailleurs, une affiche jaune et verte sur laquelle on peut lire « De la traite négrière aux championnats internationaux à Kinshasa, Zaïre, championnat du monde de boxe poids lourd, combat de 15 rounds, George Foreman contre Mohamed Ali ». Voilà ce qui explique la présence de ces journalistes étrangers. Au stade du 20 mai, là où se déroulera le combat, la DS aperçue quelques minutes plus tôt entre en centre-ville et se gare. Un homme de grande taille en descend. Aussitôt, une nuée de photographes l'entoure et crie « Mister Ali, Mister Ali !» Aucun doute possible, c'est Mohamed Ali en personne. Puis s'approche de lui un individu plus petit, coiffé d'un bonnet léopard, chemise zébrée, canne à la main. Cet homme, c'est le président Mobutu, un despote qui règne sur le Zaïre depuis une décennie. Voici donc l'une des plus grandes légendes noires de la boxe qui rencontre un dictateur noir d'Afrique centrale. Et tout cela ne doit rien au hasard, comme l'expliquera bien des années plus tard le journaliste congolais Kabala Mwanamumbi. Ali se faisait passer pour le défenseur de bande noire. Et Mobutu avait lancé sa politique de recours à l'authenticité. Donc c'était comme deux destins qui se retrouvaient et la population s'était totalement associée à cela. Alors, en fait, c'était un défi pour prouver que le Zaïrois, à ce moment-là, était capable de faire de grandes réalisations au même titre que tous les citoyens du monde. Cette grande réalisation, c'est un festival de musique rassemblant des grandes gloires de la musique noire, B.B. King, James Brown ou encore les Spinners, avec pour bouquet final, on y arrive, un combat entre ces deux légendes de la boxe poids lourd que sont Foreman et Ali. Un combat acheté par Mobutu afin qu'il se déroule ici même, au Zaïre. L'autocrate de Kinshasa a versé un cachet exorbitant de plus de 10 millions de dollars à un excentrique entremetteur américain du nom de Don King. 10 millions de dollars, le budget annuel de l'éducation, de la culture et de la ville au Zaïre pour l'année 74. Mais peu importe le coût, il ne s'agit pas de toute façon pour Mobutu d'obtenir des bénéfices à court terme. La preuve, il cède 100% des droits télévisés aux promoteurs ainsi que les recettes de la billetterie. En réalité, Mobutu est persuadé qu'il fait une bonne affaire sur le long terme. Et comme il le dit lui-même, qu'est-ce que c'est que 10 millions de dollars pour avoir le nom de notre pays inscrit sur la carte du monde quand nos voisins ougandais, centrafricains ou soudanais, eux, sont obligés de faire la guerre pour l'obtenir? La zaïrification est en marche. Parole de dictateur. Voici donc l'ancienne grande gloire de la boxe et l'actuel champion du monde de la catégorie poids lourd réunis pour un match de championnat du monde à Kinshasa. Si les deux champions ont accepté de participer à ce combat exceptionnel à plus d'un titre, c'est qu'ils recevront chacun un chèque de 5 millions de dollars avant même d'avoir asséné ou reçu le premier coup. Une offre jamais vue dans le cadre de la boxe et une affiche somptueuse. D'un côté, en provenance de Louisville, Kentucky, Mohamed Ali, 32 ans, la légende qui veut récupérer son titre de numéro 1 mondial qu'il a perdu 7 ans plus tôt sur tapis vert, lorsqu'un tribunal de Houston l'a déchu pour avoir refusé de partir combattre dans les rangs de l'armée américaine au Vietnam. C'est que Mohamed Ali est plus qu'un boxeur, il pense et il dit ce qu'il pense. Sa verve est comparée à celle d'un Martin Luther King. Son ton charismatique passionne les foules. Et puis surtout, il est un sportif engagé, un défenseur de la cause noire, de l'égalité des droits et surtout de la liberté. Sur le ring, Ali est aussi un spécimen unique. Déterminé, doté d'une rapidité d'exécution sans pareil, il a aussi le goût de la provocation, comme ici lors de la conférence de presse avant le combat, où il affirme qu'il va battre Foreman à plate couture. Je finirai ce combat dans le même état où je l'aurais commencé, en ayant battu le monstre qui met tout le monde KO et que personne n'arrive à battre. Le jeune Cassius Clay de Louisville, Kentucky, a vaincu Sonny Liston, l'homme qui a écrasé deux fois Floyd Patterson. Il allait me tuer, il a frappé plus fort que George, il a allongé, c'est un bien meilleur boxeur que George. Et maintenant, je ne suis plus le gamin qui fuyait devant Sonny Liston. Maintenant, j'ai de l'expérience, je suis un pro. J'ai eu la mâchoire cassée, j'ai été mis KO, je suis un dur, j'ai coupé des arbres. J'ai fait quelque chose de nouveau pour ce combat. Je me suis battu contre un alligator. Oui, exactement, un alligator. Et j'ai même lutté contre une baleine. J'ai aussi attrapé un éclair et emprisonné la foudre. Je suis dangereux. Tiens, la semaine dernière, j'ai tué un rocher, blessé une pierre et même envoyé une brique à l'hôpital. Je suis pire que tout. Méchant, oui, méchant, mais surtout rapide. Hier soir, j'ai éteint la lumière et j'étais au lit avant qu'il fasse noir. Rapide, je vous dis. Toi, George Foreman, toi et les autres, vous allez vous incliner devant moi. Vous aviez parlé sur lui ? Tant pis, il va avoir des problèmes. Je vais vous montrer que je suis le meilleur. Et même que la brique, elle a eu mal, ça c'est Mohamed Ali. Être le meilleur, c'est aussi l'intention de son adversaire, George Foreman, 26 ans, tout droit venu de Houston au Texas, champion du monde en titre de la catégorie poids lourd. Il est doté, selon les spécialistes, d'une force surhumaine, capable d'envoyer au tapis un à un ses adversaires. Preuve de sa bonne forme et de sa grande force, il n'a fait qu'une bouchée de Joe Frazier quelques mois plus tôt. Frazier, qui avait lui-même battu Ali. Alors le flamboyant Foreman, pour qui l'argent et la gloire l'emportent sur toute autre motivation, a-t-il des raisons d'avoir peur d'Ali ? Mais non, répond l'envoyé spécial de France Inter, Christian Binder. J'ai les officiels dans ma poche, les voilà, mon point droit et mon point gauche. C'est ce qu'a déclaré Foreman, pas du tout, mais alors pas du tout, du tout impressionné par la verve de son adversaire. Foreman, qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche d'ailleurs, lorsqu'on lui a demandé s'il ne redoutait pas un peu la vitesse légendaire de Mohamed Ali, il a répondu « Je ne suis pas inquiet, nous ne sommes pas sur un champ de course. Aucun doute, les hostilités sont bel et bien engagées. » Ali face à Foreman, Foreman face à Ali. Le combat fait les gros titres de la presse spécialisée. Car le spectacle promet de tenir toutes ses promesses entre ces deux immenses champions. D'autant qu'Ali envoie les premières piques affirmant qu'il est si rapide que Foreman ne fera que rentrer pour sortir du ring. Une provocation, une de plus, qui, on va le voir, s'inscrit dans la stratégie de l'ancien champion. Pourtant, malgré ces déclarations tapageuses, une majorité de la presse, dont le journaliste d'ABC Howard Cosell, pense qu'Ali ne fait pas le poids face à Foreman. Le temps est venu de dire au revoir à Mohamed Ali. Parce que, très honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse battre George Foreman. Il faudrait un miracle, et encore, ça ne suffirait pas contre Foreman. Si fort, si jeune, si téméraire. Contre Foreman, celui qui élimine ses adversaires l'un après l'autre en moins de 3 rounds. C'est très difficile pour moi de croire qu'il ait une chance. Et je vais même vous dire, après ce combat, je pense qu'Ali prendra sa retraite. Et après toutes ces années, mon seul souvenir à jamais restera celui d'un combattant. Plus nuancé, le prestigieux quotidien américain Wall Street Journal consacre une pleine page au combat dans son édition internationale. On peut ainsi y lire « Foreman est un vrai phénomène, il parle peu mais il est captivant, un véritable gourou, avec des propos parfois déconcertants. Malgré tout, il n'incarne pas la culture noire, il lui manque une chose inestimable que possède Ali en revanche, l'aura. » Mercredi 30 octobre 1974, Kinshasa, il est 4h du matin, 22h à New York. Dans le stade du 20 mai, l'excitation est à son comble. Plus de 100 000 personnes sont dans les tribunes. Mobutu n'est pas présent, tout en l'étant, car son portrait géant trône dans le stade. Monsieur a peur d'un attentat, alors il va suivre le match chez lui. Il sera d'ailleurs le seul Zaïrois à pouvoir le regarder hors de l'enceinte. Privilège du pouvoir, car c'est un comble, mais c'est comme ça. Le match est retransmis partout dans le monde, mais pas au Zaïre. Dans le stade, Joe Frazier, autre grande gloire de la boxe, est là pour commenter la rencontre entre ces colosses mesurant tous de 1m92 et pesant chacun plus de 95 kilos. Dans la presse, Foreman reste le grand favori sur lequel on ne tarit pas d'éloges. Pour le journaliste, la vraie question d'ailleurs n'est pas de savoir si le Texan va gagner, mais en combien de temps. Pourtant, il n'a pas de soutien populaire. Pour les Aïrois, Foreman reste un Américain, alors que Mohamed Ali est avant tout un Noir, comme eux. Un sentiment renforcé par le comportement de Foreman depuis son arrivée ici en Afrique. À sa descente de l'avion, le flamboyant champion tenait en laisse son chien, un berger allemand déchaîné. Une scène qui n'était pas sans rappeler l'époque de la colonisation, quand les policiers belges utilisaient ces mêmes bergers allemands pour effrayer les populations. Et puis, la différence fondamentale, c'est qu'Ali semble heureux d'être là. Il sort courir le long des berges du fleuve Congo pour s'entraîner. Il va à la rencontre des gens, essaie de parler avec eux, il déjeune avec des personnalités locales. À l'inverse, Foreman reste cloîtré dans le luxueux complexe qui sert d'hôtel aux deux boxeurs et ne s'aventure pour ainsi dire jamais en ville. Voilà pour l'ambiance d'avant-match. Toujours est-il qu'en cette nuit du 30 octobre 1974, au stade du 20 mai, il est un peu plus de 4h du matin lorsque ces deux grands champions gladiateurs des temps modernes sortent de leur vestiaire et s'apprêtent à débuter leur combat dans la jungle. Et voici l'équipe d'Ali qui sort de son vestiaire et nous aurons bientôt toutes les réponses que nous attendons. Qui de la force de Foreman ou des talents de Mohamed Ali va-t-il l'emporter ? C'est l'âge contre la jeunesse. L'expérience de Mohamed Ali contre la jeunesse, la force brute et la vitesse incroyable. Vous pouvez entendre l'orchestre qui joue derrière. Ali s'avance vers le ring. C'est pour ce genre de moment que Mohamed Ali vit. C'est peut-être son dernier combat. C'est peut-être un événement historique. Mohamed Ali rentre sur le ring peut-être pour la dernière fois. S'il arrête la boxe après, ce que vous voyez là sera incontestablement un événement historique. Et maintenant, c'est le champion du monde poids lourd, George Foreman, qui arrive au pas de course, dans son peignoir rouge, avec derrière lui toute son équipe. Certains disaient qu'il risquait de pleuvoir, mais le temps ne peut pas être meilleur que ce soir. Et Ali fait crier le public. Ali Boumaïe, Ali Boumaïe. Ce qui veut dire Ali, tue-le. Les deux hommes sont face à face. Ali parle à Foreman, il se toise. George Foreman a l'air sérieux pendant qu'Ali lui parle. Observez son regard. Regardez Ali, l'invectiver. Tout est prêt pour le premier round. Le titre de champion du monde est en jeu et les boxeurs recevront chacun 5 millions de dollars. Ali est prêt, Foreman est prêt. Nous attendons la cloche. Et c'est parti, Ali traverse le ring. Et il sautille autour de son adversaire. Dans le coin, son entraîneur, Angelo Biondi, lui hurle « Vas-y, danse, danse autour de lui, fais-lui peur !» Alors Ali se balance, de gauche à droite, décale la tête entre ses épaules, feint les coups. De son côté, Foreman est beaucoup plus lent dans ses déplacements. Il observe Ali, il attend de voir quelle sera sa stratégie. Tels deux fauves lâchés dans une cage, les deux boxeurs se tournent autour, ils se cherchent, ils se testent. Ils veulent tous les deux marquer leur territoire sur ce carré de 6 mètres sur 6 qu'est le ring. Un endroit où cette nuit, les deux boxeurs auraient pu dire « Moriturie te saluta, celui qui va mourir te salue ». Car perdre ici, autant pour Ali que pour Foreman, c'est un peu perdre la vie. Au bout de quelques secondes de match, c'est Ali qui expédie le premier coup de poing, un coup léger du droit qui s'écrase sur le front du champion en titre. Le ton est donné, Foreman répond par la force. Des coups pleuvent de part et d'autre. Le son lourd des chocs donne une idée de la force des deux combattants. On se protège avec les gants, on esquive, on frappe, on se décale. Sur le ring, la concentration est à son maximum, car ses premières minutes sont décisives pour prendre l'ascendant psychologique. Mais chaque coup d'Ali est salué par l'ovation du public, tandis que Foreman peut frapper autant qu'il veut, personne ne l'applaudit. Le Texan a deux adversaires ce soir. Et pourtant, c'est Mohamed Ali qui semble rapidement débordé. Et à la fin du premier round, la machine Foreman se met en marche. Avec une tactique imparable, coincer son rival contre les cordes ou dans les coins pour mieux pouvoir le rouer de coups. Classique en boxe, cela dit, mais efficace. Alors Ali encaisse, crochet du gauche, uppercut, Foreman frappe et frappe encore. Puis tout à coup, Ali repousse les assauts et surprend les commentateurs en décochant un coup direct du droit. Pour les téléspectateurs novices, c'est un coup comme un autre, mais pour les professionnels, c'est un coup génial. Le direct du droit, c'est à la fois un affront, car il sous-entend que celui qui le reçoit n'a pas été assez rapide pour l'esquiver. Mais c'est aussi une prise de risque, car il expose à une riposte de l'adversaire par un crochet du gauche. Ici, Ali en fait une arme psychologique et elle s'inscrit dans sa stratégie de provocation. Il veut énerver un peu plus Foreman. D'ailleurs, dès le début du match, Ali semble avoir une idée derrière la tête. Il sait que le combat doit durer s'il veut l'emporter. En face, Foreman, humilié, réagit au quart de tour et se déchaîne. Il bloque de nouveau son adversaire dans un coin et lui assène une nouvelle série de coups. Dans la nuit noire de Kinshasa, le combat semble tourner à l'avantage du jeune champion texan qui pousse un peu plus vers la sortie son adversaire Ali, le vieux puncher du Kentucky. La cloche sonne, fin du premier round. L'arbitre, Zach Clayton, renvoie les deux hommes dans leur coin. À ce moment de la rencontre, personne ne peut encore dire qui va l'emporter. Mais Foreman semble indomptable. Galvanisé par la foule qui l'injure, il frappe avec une détermination qu'on ne lui avait jamais vue. Assis sur son tabouret au coin du ring, Mohamed Ali tente de croiser le regard de son adversaire. Celui-ci l'évite. Et c'est reparti pour un second round. Ali semble remotivé, se montre d'emblée incisif, renvoyant coup pour coup. La bataille semble beaucoup plus équilibrée que lors des premiers échanges. Par moments, l'ancien champion se reprend, mais il a beau taper, frapper, s'arracher, Foreman ne bouge pas, ne flanche pas, ne tombe pas. Comme une muraille, Foreman semble infranchissable. Et très vite, la situation tourne de nouveau au cauchemar pour Mohamed Ali. George Foreman se déplace lentement, en se protégeant, Ali se rapproche de lui, il se déplace, il le cherche, Foreman est prudent, il arme son crochet du gauche, Foreman repousse Ali et le coince, oui, Foreman le coince dans les cordes, Mohamed Ali reçoit une série de coups dans le ventre, un uppercut du gauche, puis un crochet, Ali essaye de se dégager de Foreman, mais il n'y arrive pas, le combat se transforme en punition pour Ali. Pour les commentateurs, plus de doute possible, Foreman n'est pas là pour frapper, il veut détruire son adversaire. Les secondes passent et coincé dans les cordes, Ali n'est plus qu'un pinching ball que Foreman frappe en cadence. À gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche. Ali se protège le visage et encaisse tant qu'il peut la vingtaine de coups de poing qu'il reçoit dans l'abîme ben. Mais il tient. Mais pour combien de temps encore? Vu de loin, la scène fait penser à une bagarre entre deux gamins dans laquelle l'un indiscutablement plus fort donnerait une leçon au second. Mais le plus étonnant reste qu'à chaque moment de répit, au lieu de s'écarter, Ali reste fixe et invective un peu plus son adversaire. « Bah alors, Georges, tu frappes comme une fillette? C'est tout ce que t'as dans le ventre ?» En réponse à cette provocation, les coups pleuvent, une nouvelle fois. À son micro, le journaliste David Frost hurle « Bon sang, mais Ali est devenu fou, que cherche-t-il à faire, si ce n'est énerver Foreman, déjà totalement incontrôlable? Il va se faire massacrer, il faut que quelqu'un intervienne. » Sauvé par le gong, au bout des 3 minutes réglementaires, la cloche sonne la fin du second round. Foreman et Ali retournent s'asseoir dans leur coin. Pour le public qui attendait une réaction de la part de l'ancien champion, ce nouveau round est une douche froide. Et si finalement Ali était trop vieux? Et si finalement il ne faisait pas le poids face à Foreman? En bas, sur le ring, son entraîneur, Angelo Dundee, tente de remotiver son champion qui semble déboussolé pour la première fois de toute sa carrière. Dans l'angle opposé, à l'inverse, le bouillonnant Foreman ne tient plus en place. Il veut déjà se relever et en finir, au plus vite. Ses entraîneurs tentent de le contenir. La presse, quant à elle, a déjà vendu la peau du vieil éléphant Ali. Sur ABC Sport, Howard Cosell, celui-là même qui avait prédit une défaite cinglante de l'ancien champion, s'en donne à cœur joie. « Rassurez-vous, dit-il d'un ton ironique, vous ne vous coucherez pas tard ce soir. Le match est bientôt terminé. » Parmi les 100 000 personnes du public et les dizaines de millions de téléspectateurs, qui peut donc imaginer qu'en réalité, le combat s'apprête à prendre une toute autre tournure? Qui peut se douter que Foreman, sans le savoir, a mis le pied, ou plutôt les poings, dans un piège infernal que Mohamed Ali, fin stratège, s'apprête à refermer sur lui? Comme dans une partie d'échecs, en boxe, ce n'est pas toujours celui qui frappe le plus fort qui l'emporte. Ce combat Ali-Foreman viendra-t-il confirmer la règle? Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe, au DS de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch, boxe, boxe. Lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Boxe, boxe, boxe, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Boxe, boxe, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Boxe, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est deux et champion. Boxe! Quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe! Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin vient me voir, ça ira mieux demain. OTS de pierre, je prendrai ma revanche. Et j'aurai ton sourire, boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir. Boxe, boxe, boxe, boxe, boxe. Mercredi 30 octobre 1974, il est 4h25 du matin et nous voici au cinquième round de ce combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Un match qui réunit déjà tous les ingrédients pour entrer dans la légende. Les spectateurs du stade du 20 mai retiennent leur souffle. Le combat dure depuis 20 minutes, une éternité. Et si Mohamed Ali, l'ancien champion, semble être pour le moment le plus atteint physiquement après les coups portés par son adversaire, ce n'est qu'une impression. En réalité, le plus exténué des deux, c'est George Foreman. Parce que c'est la troisième fois seulement de sa jeune carrière qu'il doit combattre plus de deux rounds dans un match. Un défi inédit. Frapper, frapper encore, face à un adversaire qui ne veut pas aller au tapis et qui continue de le provoquer. Car malgré la pluie de coups, près de 150 depuis le début du combat, Ali reste debout et continue d'invectiver son adversaire. Il tient bon. Dubitatif, les journalistes s'interrogent. Ali essaie-t-il d'éviter le chaos et d'aller au bout du match ? Sur le ring, le champion texan semble avoir les mains en feu, les bras lourds, les épaules fatiguées, et il n'arrive pas à achever Ali, si je puis dire. Première illustration de sa fatigue, ses coups de poing sont de moins en moins puissants et surtout de plus en plus imprécis. On sent que le match vit un tournant décisif. Alors qui, de Ali le faible ou de Foreman l'exténué, va réussir à l'emporter ce soir, lance le journaliste David Frost à son micro. Ali le faible, tu parles. En fait, et depuis le début du combat, il cache son jeu. Et c'est au moment où l'on entame le sixième round qu'il sort de son mensonge tactique et referme son piège sur Foreman. Tout était calculé. Ali a étudié le style Foreman, percutant et uniquement basé sur la force. Et Ali a compris qu'il ne pourrait pas le battre sur ce terrain-là. Il fallait donc trouver une autre tactique, celle de l'épuisement. On comprend mieux alors les longs footings qu'il faisait le long du fleuve Congo pendant plusieurs heures pour atteindre une condition physique exceptionnelle. Tous ses entraînements encaissaient des coups violents, ses provocations multiples sur le fait qu'il allait prendre Foreman de vitesse et qu'il allait le noyer sous un torrent de coups. Tout n'était que tactique. Une sorte de chiffon rouge sur lequel le taureau Foreman s'est rué, tête baissée donc, sans réfléchir. Loin des apparences, Ali est donc depuis plusieurs semaines en pleine partie d'échec. Il a 5 coups d'avance et il s'apprête à déplacer son dernier pion, ou plutôt son dernier point, pour battre son adversaire. Porté par un public qui retrouve des couleurs, Ali accomplit un sixième round fantastique et enchaîne 2 autres rounds de même niveau. À la 8e reprise, The Greatest, comme on le surnomme, danse de nouveau sur le ring. Il esquive et piège à plusieurs reprises son adversaire qui frappe souvent dans le vide. Puis soudain, dans un éclat de génie et de virtuosité, Ali se déchaîne. Ali semble se reprendre, il lui reste 40 secondes dans le cinquième round. Première bonne combinaison d'Ali sur la tête de Foreman. Foreman rate son crochet du droit. Et Ali riposte en lui envoyant un lourd crochet du gauche en pleine tête. Il lui remet un direct du droit. Ali est en furie. Foreman recule. Il est déboussolé. Ali lui fonce dessus et lui envoie un magnifique crochet dans le ventre. C'est une pluie de coups qui s'abat sur le champion en titre. Foreman a été frappé 6 ou 7 fois. Il perd l'équilibre, il s'écroule. Foreman est à terre. 3, 4, 5, 6, 7. Il est sur les genoux. 8, ça y est. C'est fait, Mohamed Ali a gagné, c'est extraordinaire. Incroyable fin de match ici dans la nuit noire de Kinshasa. George Foreman s'est assis. Il ne réalise pas. Et les spectateurs exultent. Mohamed Ali, que l'on donnait perdant et qui a peiné tout au long du combat, remporte la victoire à l'issue d'un affrontement épique. Une victoire au panache, au bout de lui-même et au bout de la nuit. Une victoire qui lui offre le droit de porter de nouveau, 7 ans après, le titre de champion du monde de la catégorie reine, les poids lourds. De son côté, George Foreman est assis sur son tabouret, le visage impassible et le front en sang. Il comprend désormais que son adversaire, fin tacticien, l'a berné de bout en bout et que cette victoire est aussi celle de l'esprit sur la force pure. Dans le ciel, au-dessus du Kinshasa, le tonnerre gronde et la pluie s'abat sur le stade du 20 mai comme pour accueillir le retour du roi Mohamed Ali sur le toit du monde. Et Dans les jours qui suivent, sur la route du retour aux États-Unis, les deux grands champions sont de passage par Paris en escale à l'aéroport d'Orly, chacun de leur côté bien sûr. L'occasion pour eux de se livrer à l'exercice de la conférence de presse. Et très vite, du côté du camp Foreman, champion à la fois déchu et forcément déçu, on accuse l'organisation d'avoir laissé se dérouler le match dans des conditions irrégulières. En premier lieu, George Foreman estime que l'arbitre a compté trop rapidement lorsqu'il était à terre, ne lui laissant pas le temps de se relever. La fédération lui répondra que l'arbitre doit continuer à compter à partir du moment où une autre partie du corps que les pieds touche le sol, ce qui était le cas pour Foreman qui s'est mis à genoux avant de se redresser. Mais les accusations de Foreman vont plus loin. Il accuse le camp Ali d'avoir délibérément triché. Ça n'était pas du jeu. Voilà, en gros, ce que vient de déclarer Foreman après son combat contre Cassius Clay ou Mohamed Ali, comme on voudra. Alors Thierry Roland, pourquoi n'était-ce pas du jeu ? Tout au long du combat, Mohamed Ali était assis sur la corde du milieu. Vous savez qu'il y a trois cordes autour du ring. Sur la corde du milieu, et que dans ces conditions-là, le combat n'avait pas été régulier dans la mesure où lui, George Foreman, malgré tout son forcing, car c'est lui effectivement qui a fait le combat tout au long de ces huit rounds, il n'a jamais pu toucher un Mohamed Ali très prudent, bien gardé, faisant une obstruction intelligente et surtout assis sur des cordes qui n'avaient pas la rigidité voulue. Ah bon, alors vous, précisément, vous étiez au bord du ring et vous avez remarqué quelque chose. Eh bien oui, j'ai eu la chance de le remarquer parce que ça s'est passé exactement devant moi dans cette ambiance assez folle du reste de cette nuit de Kinshasa. En effet, dès que les soigneurs de Mohamed Ali sont arrivés, ils sont arrivés les premiers sur le ring, environ 5 minutes avant Foreman, ils se sont tout de suite préoccupés justement de la rigidité des cordes de ce ring qui étaient tendues, comme le veut du reste la règle de la boxe professionnelle et amateur, et ils se sont efforcés de distendre ces cordes. Ce qui prouve en tout cas que la tactique de Mohamed Ali était préméditée. Mohamed Ali et son entourage démentent formellement ces accusations. L'entraîneur d'Ali, Angelo Diundi, affirme qu'il est impossible que lui ou ses assistants aient pu truquer les cordes du ring pour la simple et bonne raison que l'arbitre de la rencontre, Zach Clayton, en a contrôlé l'état quelques minutes seulement avant le combat. Pour Mohamed Ali, ces accusations ne reflètent qu'une seule chose. Mauvais perdant, Foreman n'arrive pas à accepter, reconnaître sa défaite. Pour certains journalistes, il ne fait aucun doute que Foreman essaie d'obtenir ici une revanche ou un match retour qui lui permettrait de laver cet échec, le pire de sa jeune carrière. Mais il n'y aura pas de match retour. Quoi qu'il en soit, ce que l'histoire retiendra en cette nuit du mercredi 30 octobre 1974 à Kinshasa, au terme d'un combat extraordinaire, c'est que la boxe se joue autant avec la tête qu'avec les poings, que ce n'est pas un sport de brute, ou plus précisément, ce n'est pas qu'un sport de brute. Thank you. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le match légendaire entre Mohamed Ali et Foreman, dont nous allons, c'était en 74, je vous le rappelle, et dont nous allons parler maintenant avec notre invité Jean-Philippe Lustig. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure, la plus rapidement, bah, là, vous êtes journaliste, producteur et grand spécialiste de la boxe. Vous avez commenté des matchs, écrit des livres sur ce sport. C'est fascinant ce qu'on vient de raconter. On sent que c'est vraiment le grand choc qui était attendu, qui est arrivé. Il y a eu un effet de surprise. Celui qui a gagné n'était pas forcément celui qu'on voyait gagnant. Bref. Mais il y a quand même un contexte, et il faut le rappeler, ça n'est pas le match du siècle, car le match du siècle est intervenu, je crois, 3 ans avant, au Madison Square Garden de New York, entre le même Mohamed Ali et un certain Joe Frazier, dont on a parlé déjà. Et puis il y a eu un autre match après, en 75. Ça veut dire que ce match-là, il faut le relier à une trilogie ou un triptyque. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 1974, le 30 octobre, George Foreman, il est le Tyson de l'époque. Le Mike Tyson de la fin des années 80, années 90, qui terrassait tout le monde en un round, deux rounds, et qui effrayait avant même le premier coup de poing, c'est l'impact qu'a George Foreman dans le monde de la boxe. C'est une terreur qui n'a pas 25 ans, qui mesure 1m91, qui fait 100 kilos, d'une puissance dévastatrice et donc effrayante. Et on pense que Ali est le seul capable peut-être de le battre. Et Ali a rencontré, comme on le précisait il y a quelques secondes, Joe Frazier. Et Ali, l'impact d'Ali dans l'histoire de ce sport-là, c'est à cause ou grâce à Joe Frazier, finalement. Parce que les affrontements entre Frazier ont marqué les esprits et l'histoire. Et l'affrontement du Madison Square Garden en mars 71, donc, qui est le combat du siècle, on l'a toujours appelé « the fight of the century ». Excellent. Voilà, celui-là, c'est dans la jungle. Ça, c'est « Rumble in the jungle ». Voilà. Et il y aura le troisième qui est « Fula in Manila », les tris de Manille, les trois matchs, donc. Mm. Alors, le premier, on parle donc du Madison Square Garden de New York, Frazier rencontre Ali. Les deux sont invaincus. Frazier règne sur la catégorie. Il a remplacé, dans le cœur des Américains, Ali, qui a donc pris une autre direction, puisqu'à la suite de sa conversion, lui qui s'appelait Cassius Clay en 1964, devient Mohamed Ali. Et puis, il refuse de s'engager. Conversion à l'islam. Voilà, en 1964. Il devient champion du monde en 1965. Sous son nouveau nom de Mohamed Ali. Il est le champion incontesté jusqu'en 67. Il a une boxe d'une habileté diabolique. C'est un génie sur un ring et avec une faconde et une élocution extraordinaire avec des improvisations. Parce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était grandiose. Ça, c'est le propre d'Ali. Rien n'est écrit. Il a cassé la figure à une pierre. Voilà. Non, mais il invente. Il improvise. Non, mais il a de l'humour. Non, mais il ne prépare rien. Il n'a pas de notes. Mais il a une intelligence qui est supérieure, c'est évident. Une aisance verbale et puis un charme fou, il plaît, il est beau. Voilà, il est sur un ring et en dehors. Et donc l'affrontement devant Frazier est très important au Madison Square Garden, car Ali, comme on l'avait, je crois, précisé, donc revient, car pendant 3 ans et demi, il a donc été, on lui a retiré sa licence lorsqu'il a pris une position très nette au moment de la guerre du Vietnam. Il doit être mobilisé, il doit aller s'engager, et il déclare, et ce sont des mots qui sont restés célèbres dans l'histoire, « Jamais les Vietcong ne m'ont traité de négro ». Donc il refuse, lui, de représenter l'armée américaine. Et les institutions américaines sont catégoriques et lui retirent sa licence. Pendant 3 ans et demi, il n'est plus boxeur. Et en 67, lorsqu'on lui retire sa licence, il n'a que 25 ans. Il est tout jeune, alors qu'il est en pleine ascension et invaincu. Et donc pendant 3 ans et demi, il se retire. Il revient en 70, on lui redonne sa licence, il gagne 2 combats et il retrouve Frazier. Et Frazier le bat. Première défaite d'Ali en mars 71 pour donc le combat du siècle au Madison Square Garden. Frazier est le champion de son époque. Et puis, 2 ans après, George Foreman arrive sur sa route. George Foreman, champion olympique en 68 à Mexico, avec son petit drapeau américain, il a une position très claire par rapport au mouvement noir américain. Il est en dehors de cela. C'est un patriote convaincu. Il a son petit drapeau, il l'agite sur le podium. Il ne prend pas des positions comme Tommy Smith ou Juan Carlos, on se souvient de ses points noirs gantés. Foreman, il est l'archétype du sportif d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Hein, oui. Professionnel, qui a probablement des idées, mais qui nous les transmet pas. Bon, voilà, quoi. Il n'est pas porteur d'un message, il prend pas de position. Et le public américain, l'Amérique blanche l'apprécie pour cela. Ouais. L'Amérique noire, moins, bien entendu, par la force des choses. Bref, il bat Frazier. C'est lui qui met fin à la carrière de Foreman, qui fait subir à Frazier sa première défaite. Il l'atomise en 2 rounds, il l'envoie 6 fois au tapis, et c'est le nouveau roi de la catégorie. Et ensuite, Ali revient, car Ali retrouve pour un match revanche Frazier, qu'il bat au point, après une défaite concédée à New York, d'accord. Et il se retrouve donc à Kinshasa. Non, oui, on va y revenir, mais le tout dernier match, vous dites qu'il était extrêmement violent à Manille. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Donc, pardonnez-moi, le combat a lieu en octobre 75. Ce combat a marqué les mémoires, les esprits, mais surtout le corps des deux boxeurs. Sfila in Manila, c'est donc la grande étrie à Manille. Ils se retrouvent pour la belle, en quelque sorte, puisque donc Ali et Frazier sont à une manche partout. Mm-hmm. Ce combat était d'une violence inouïe. Inouïe, puisque Frazier décide de rester dans son coin à l'appel du 15e round, au moment où Angelo Dundee, l'entraîneur dont on parle justement dans cette séquence d'Ali, décide lui de le garder dans le coin. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement exténués. La dimension physique de ce combat est encore supérieure à l'affrontement Ali Foreman. C'était d'une violence démente, puisque les deux finiront dans des chambres noires. Pourquoi ? Ils se sont pris des coups. Ah non, mais c'est-à-dire que visage si fort. Quand on revoit ce combat, on se demande comment est-ce possible, même que les hommes de coin n'aient pas arrêté avant, et surtout l'arbitre n'ait pas interrompu. C'est un combat à la mort. Ali a toujours dit, même dans le livre qu'il avait écrit en 77, j'ai vu la mort de près. Ouais. Et Frazier a dit, puisqu'il voit une haine féroce à Ali, Frazier a dit, j'étais prêt à mourir pour battre mon adversaire que je hais le plus au monde. C'est pas une métaphore. Mais non, mais c'est vraiment là, ça. On n'est pas du tout dans la communication verbale, et puis on essaie de faire un coup et puis de créer le buzz, comme on dit, mais absolument pas. On est dans le vrai, là. Mais c'est terrible. Et certainement que le combat d'Ali, comme celui de Kinshasa, où il a pris des coups malgré tout, l'ont marqué. Et si aujourd'hui il est dans cet état physique, malheureusement, c'est la succession de ces combats comptés d'une violence démente, inimaginable. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais un détour par aujourd'hui, on a encore ces... Moi je suis pas spécialiste de la boxe, hein, autant vous le dire tout de suite. Est-ce qu'on a encore, ça me permet de poser des questions simples, des combats aussi violents, ou est-ce qu'il y a eu des règles qui ont fait que la boxe aujourd'hui, dans la boxe on ne va pas jusqu'au bout de la violence? Alors, bonne question. Plus le temps avance, plus on prend des mesures pour protéger les boxeurs, et moins on assiste à des combats où la violence dépasse l'entendement. Voilà. Donc, les arbitres prennent des mesures pour intervenir et arrêter le combat si un boxeur est en nette difficulté ou est en souffrance. Il y a parfois des excès, on ne peut contrôler malgré tout, il y a des accidents, cela arrive, c'est inhérent à ce sport, puisque le but est comme de frapper l'autre, donc il faut toujours avoir bien conscience de cela. Mais il y a de tels enjeux au-delà, il y a une telle dimension physique et psychologique, à ce moment-là, on va loin, mais cela n'a rien à voir avec ce qui se passait au début du XXe siècle, puisqu'il y avait des combats no limite, 40 rounds, 50 rounds, il faut le savoir. Donc là, on retournait à la tradition de ce qu'on appelle les gladiateurs, hein, qui étaient là pour mourir, moriturit et saluta. Alors, il faut savoir que Foreman, en perdant son combat, est devenu presque une personnalité sympathique, et il jouit aujourd'hui aux États-Unis d'une grande cote de popularité. Il est celui qui s'est battu contre le plus fort, mais en tout cas, plus fort que lui. Et là, maintenant, il le reconnaît, il a changé de mentalité, évidemment. Nous sommes en 2012, et il le reconnaît sur cet extrait d'interview qu'on va entendre, qui a été diffusé sur CNN, que Mohamed Ali était plus fort que lui. À cette époque, tous ceux que je frappais, même si je les manquais, je les mettais KO. Je pensais donc que j'étais l'homme le plus costaud qu'on ait jamais inventé. J'étais le meilleur champion du monde poids lourd qui n'ait jamais existé. Et un de mes coups de poing était plus puissant de 20% que les autres boxeurs de la catégorie. Donc, aller au Zaïre, être prêt à battre Mohamed Ali, c'était pour moi, je pense, juste un exercice. Je l'aurais probablement sorti en 3 rounds, 2, 3, peut-être 3,5. Je n'avais jamais été aussi confiant de toute ma vie. Mais j'avais sous-estimé qu'il voulait lui aussi être le plus grand champion de tous les temps. Et qu'il avait lui aussi tout fait pour ça. Je l'ai sous-estimé, je pensais qu'il pouvait me frapper où il voulait, mais que j'allais finir par le mettre KO en quelques minutes. Mais ces points accumulaient en réalité une telle énergie qu'il n'a pas fallu longtemps avant que je me retrouve au sol. Alors, vous, monsieur le spécialiste, quelle est votre lecture, rapide, on ne va pas refaire tout le combat, mais votre lecture du combat Foreman-Ali, pourquoi Ali a-t-il gagné, selon vous ? Ali gagne pour deux raisons. La première, il a installé le doute dans les semaines qui précèdent, durant la préparation, par ses provocations, par son extrême confiance et le fait qu'il s'est mis le public africain donc dans sa poche. Cela a eu une incidence sur Foreman, qui avait une sorte de nonchalance, mais qui, n'oublions pas, n'a que 24 ans et demi et qui a été perturbé par l'assurance, la confiance et un climat qui lui n'était pas favorable. Oui. Voilà. On a expliqué aux Zaïre. Mais cela dit, il a cherché quand même, parce que Ali, on a dit, il allait voir les populations, alors que l'autre, il sortait pas, quoi. Il a fait une grave erreur, là, quand même. Mais parce que il ne joue pas, Foreman. il ne joue pas, il est authentique. C'est-à-dire que, non pas que je vais remettre en question la démarche de Ali, mais Ali est d'une intelligence et sait parfaitement comment se comporter. Et avec ses déclarations extraordinaires, lorsqu'il annonçait que les Noirs ont toujours été brimés, étaient juste bons à être porteurs ou être laveurs de carreaux, et puis soudain, quand on arrive en Afrique noire, eh bien, ils peuvent avoir d'autres fonctions. Et c'est formidable, donc il se met tout de suite, les Africains, et il séduit. C'est pour ça d'ailleurs que Ali Boumaïé, Ali Tue-le, donc les 70 000 spectateurs étaient tous pour Mohamed Ali. Donc Foreman est dans un contexte hostile, premier élément. Et deuxième élément, c'est cette tactique qu'on a parfaitement entendue et mise en perspective, cette tactique qui a été mise en place, mais qui a finalement été légèrement modifiée à partir du deuxième round. Les cordes, il y a la possibilité de modifier les cordes. Hein, on a bien senti cela, et c'est le propre justement dans les organisations, car notre regretté Thierry Roland ne parlait de 5 minutes entre l'arrivée de Ali et celle de Foreman. Non, ça a été 4 fois plus, près de 20 minutes, lorsque Ali, lui, en tant que challenger, monte sur le ring, et ensuite Foreman vient sur le ring. Et ils vont modifier, tout simplement, mais... ça peut se faire. Donc, on va considérer que si les cordes sont un petit peu plus lâches, on a le droit de faire cela. Elles seront donc plus souples, mieux pour supporter, servir de rebond pour que Ali puisse jouer avec. Et donc, dans ce schéma tactique, et c'est un élément clé, Ali le sait, Foreman gagnant tout en 2 ou 3 rounds, comme Tyson, 20 ans après, n'est pas habitué, au-delà d'une certaine durée, à pouvoir maintenir son effort. Donc le doute va s'emparer. Donc c'est pas une tricherie en fait ce qu'il... Mais absolument pas. Ils avaient le droit de le faire. Mais bien sûr, donc simplement on modifie, on est dans un contexte favorable. Ne l'oublions pas, Mobutu, tout le peuple zaïrois et pour Mohamed Ali qui est un extraordinaire ambassadeur. Plus que ça, on le considère même comme le prophète. Là, sur place, il y a un engouement fabuleux. Il est d'une habileté, il est fantastique. Et Foreman ne saisit pas toutes ces finesses-là, ni ses hommes de coin. Ils en sont responsables. Et il ne pensait pas que Ali, 32 ans, serait capable de se sublimer. Mais c'est le propre d'un champion hors du commun. C'est ce jour-là de produire quelque chose qui était inattendu, qui surprend tout le monde. Et même ses hommes de coin, et Angelo Dundee a toujours mis en valeur sa capacité de réaction. Car ce combat a été excessivement dur, douloureux. Il a pris des coups. Au-delà de cette tactique simple, il a été capable d'absorber la puissance pour épuiser la bête Foreman. C'est la bête en quelque sorte, la belle contre la bête, c'est cela. Pour épuiser la bête, il a fallu qu'il soit terriblement fort dans sa préparation physique. Donc il avait endurci son corps pour encaisser ces chocs, ces coups violents qui détruisent des coups de bœuf. Et savoir être également très fort mentalement pour surmonter la douleur. Et il le fait pendant 3, 4 rounds, 5 rounds. Et ensuite, il renverse la situation. Mais à chaque fois, grâce à son coup d'œil, à sa virtuosité, il met en difficulté Foreman. Et Foreman est pris de court. Quand Foreman atomise Norton, Frazier, puisqu'en 15 mois, il affronte 3 adversaires qu'il bat en 5 rounds. Vous imaginez, en 15 mois, il fait 5 rounds. Rien. C'est rien, 5 fois 3, 15, 15 minutes de boxe. Un petit tour, je te mets au tapis, je m'en vais. Mais voilà, donc en 15 minutes de boxe, là, il se retrouve dans un combat qui fait 25 minutes. Ouais. Ça change plus le climat tropical, la chaleur. On est donc en pleine nuit en raison du décalage horaire. Comme on l'a dit, il est 4 heures du matin, Kinshasa. Donc, tous ces éléments font que Foreman s'écroule et lorsqu'il va au tapis au 8e, ce n'est pas une frappe qui le met au tapis, c'est la succession des droits, de la virtuosité, de la vitesse, de la précision d'Ali qui font que Foreman n'a plus de résistance et qu'il est épuisé. Mais Ali l'était tout autant, puisque c'est lui qui va rester longtemps également assis après. Alors il utilise, Ali, souvent un coup du gauche. Alors un coup que cet entraîneur de boxe, l'entraîneur congolais, en l'occurrence, va nous expliquer, puis on va y revenir avec vous juste après. Technique de Mohamed Ali, il boxait toujours avec gauche. Pour lui, le gauche, c'est un coup feinte, coup principal, coup stratégique. C'est le coup principal pour mieux regarder l'adversaire. Donc c'est le gauche. Là, tu le contemples tout très bien et tu peux venir avec le droite, il percute et droite. Voilà, là je vous laisse commenter parce que moi j'y connais rien, donc je vous écoute. Non mais c'est joli ce que dit l'entraîneur quand il parle du gauche. Un combat de boxe se construit sur ce fameux direct du gauche. Le direct du gauche, donc quand vous êtes droitier, vous boxez avec le poing gauche en avant, et donc vous donnez un coup rectiligne, avec le poing fermé, tendu, et avec ce poing-là, vous pouvez construire un combat. Si vous avez un bon direct du gauche, vous pouvez tout faire. Voilà. C'est-à-dire vous pouvez à la fois attaquer et vous défendre. Exactement. Vous pouvez bloquer, esquiver, doubler un coup, le tripler, donner un crochet, c'est-à-dire un coup circulaire ou un uppercut, un coup partant du bas, montant donc. Voilà. Et ce coup-là, Ali le fait à merveille. C'est un magnifique technicien qui a un direct du gauche qui est la référence et qui va vite surtout. Parce que si vous donnez un direct du gauche lent, eh bien, vous pouvez le voir venir quand ça va vite, quand ça gicle. Et la vitesse d'Ali, c'est magique. C'est-à-dire que jamais on n'avait vu un boxeur jusqu'à l'apparition de Cassius Clay, donc au tout début des années 60, lui qui était un jeune champion olympique à Rome, en mi-lourd. Lorsqu'il apparaît sur le circuit, en quelque sorte, dans le monde de la boxe, tout le monde est séduit par un boxeur d'un mètre 90 qui boxe à une vitesse aussi vertigineuse. La coordination jambes et mains. Jamais on n'a vu cela. Et ça reste la référence. Le fameux Clay Shuffle. Vous savez, piqué comme une abeille. Ouais. Voler comme un papillon et piquer comme une abeille. C'est cela, voilà. C'est une belle image. Voler comme un papillon, piquer comme une abeille. De Clay Shuffle. Et puis on comprend bien. Alors, il a des héritiers, Mohamed Ali. Je ne sais pas, vous qui connaissez bien la boxe, quels sont les noms qui pourraient se revendiquer de sa façon de boxer et puis aussi de sa personnalité? Vous en connaissez aujourd'hui ? Alors, beaucoup se sont inspirés de son style. En poids lourd, il faut être formidablement doué, avoir une aisance et être capable de bouger comme lui. Et aucun en poids lourd, depuis qu'il a quitté les rings en 1981, n'a eu son aisance. Il y a eu de très grands champions. Larry Holmes a dominé ensuite la catégorie pendant 10 ans. Vous avez certainement entendu parler des frères Klitschko, mais aucun n'a son aisance et sa faculté gestuelle. En revanche, dans une catégorie inférieure, un Sugar Ray Leonard, ah oui. Voilà, qui avait Robinson, rencontré Aglaire. Robinson, c'est avant. C'est avant. Voilà, le grand Sugar Ray Robinson était d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant parce que. Je marche sur un terrain miné. Non, mais c'est intéressant parce que Robinson s'est pelé. Voilà. D'accord. Si vous voulez, Robinson s'est pelé dans l'histoire. Mm-hmm. Mais simplement, sa carrière est entre 1940 et 60 et la médiatisation n'est pas au top. C'est vrai. Voilà. Mais bien sûr. Et il a souffert de cela. Et Ali arrive. Et ensuite, son successeur est certainement Sugar Ray Leonard, qui était un poids moyen et qui avait une virtuosité, un éclat et une beauté à tout point de vue. Donc ça veut dire que les deux se ressemblent. C'était son digne héritier. Et d'ailleurs, la passerelle a été que Angelo Dundee a été à la fois l'entraîneur de Mohamed Ali et de Sugar Ray Leonard. Mmh. Le fameux Ray Leonard qui aujourd'hui a 60 ans, je crois, 59 ans. Est-ce qu'il y a une sorte de géopolitique de la boxe? Vous savez, comme le football, on sait que les enjeux du football dépassent souvent le football. Et on l'a vu à travers différentes Coupes du Monde. On a même négocié des dettes de pays à travers des matchs qu'on aurait arrangés. Bon, ça va plus loin. Est-ce que la boxe a cette dimension-là, à travers deux ou trois de ses représentants les plus charismatiques, une dimension à la fois politique et géopolitique? C'est un peu le cas avec Mohamed Ali, hein, déjà, la condition des Noirs. Mais c'est le premier, d'ailleurs. C'est le premier qui prend position, qui va défendre la cause noire, qui va la mettre en valeur et qui va donc retourner les mentalités. C'est le premier. Mmh. Aujourd'hui, les plus grands boxeurs américains, d'abord, il n'y en a pas beaucoup de grands boxeurs qui ont cette dimension internationale. En revanche, il y a le Philippin Manny Pacquiao. On en a parlé. Vous savez, il y a eu ce fameux combat, un nouveau combat du siècle, au mois de mai, lorsqu'il y a eu des sommes colossales qui ont marqué l'histoire, puisque c'était le combat le plus cher de l'histoire contre Mayweather au mois de mai. Et donc Manny Pacquiao est un Philippin accepté et accueilli par l'Amérique entière, qui est député et qui a une dimension importante car il représente toute l'Asie. Et aujourd'hui, il a un rôle qui dépasse le cadre de la boxe. Voilà, donc il fait passer des messages, donc c'est très important et on imagine même qu'il pourrait être président des Philippines lorsqu'il prendra sa retraite, qui ne saurait tarder. Bien, il me reste à vous remercier infiniment pour votre science et connaissance de la boxe. Merci. J'encourage aussi nos auditeurs peut-être à aller voir des images sur Internet de ce sport, enfin de ce match, et puis au moins voir la tête des deux, quoi, des deux des protagonistes. Hein. Oui. Ils pourront rester insensibles. Ouais. Ok, merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le combat Foreman-Ali, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur l'histoire du Front National. En fait, sa première percée électorale, il y a toujours un début à tout, hein, un phénomène, c'était ça. C'était à Dreux en 1983. Voilà.